je peux encore aller à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aller à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.